Bonjour, ici Valérie Levé, Marianne Falardeau et Samuel Lauzon. Vous écoutez CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre magazine de culture scientifique Futur Simple. Alors aujourd'hui, une émission pas comme les autres, puisque nous avons choisi d'être tous les trois au micro pour une sorte de club de lecture. Et nous allons chacun présenter un livre scientifique que nous avons aimé, qui nous a surpris ou qui nous a fait réfléchir. Et on va d'abord commencer par un tour de table pour présenter brièvement les livres. Alors Samuel, quel livre tu nous présentes et pourquoi? Donc j'ai décidé de vous parler de ma lecture la plus marquante en 2023. Il s'agit du livre « An Immense World » de Ed Yong. Bien que le livre soit paru en juin 2022, je trouvais que c'était pertinent là, d'en parler aujourd'hui parce que le livre sort vendredi, le 18 janvier, là, donc vraiment vendredi cette semaine, aux éditions « Les liens qui libèrent ». Puis, dans le fond, le livre en français aura pour titre là, « Un monde immense, là, comment les animaux perçoivent le monde ». Dans cet ouvrage, Ed Yong, là, qui est journaliste scientifique, là, qui a été récompensé par le prix Pulitzer pour ses reportages sur la COVID-19, COVID-21. Nous en avons pas une deuxième. Non, c'est ça, exactement. Au magazine Atlantique, nous entraîne, dans le fond... au-delà de nos sens, là, au cœur du monde sensoriel des animaux, ou je devrais dire des mondes sensoriels des animaux, puis il nous amène là, un nouveau concept. Là. Ben, en tout cas, pour moi, c'est un nouveau concept. Il s'agit de l'homme bête, mais je vous en dis pas plus long. Puis je passe la parole maintenant à Marianne. Et toi, c'est quoi le livre que tu vas nous présenter aujourd'hui? Alors, je présente le livre « La fille qui aimait les sciences », qui est un mémoire autobiographique de Hope Jaron. Étant moi-même une femme en sciences, ça a beaucoup titillé ma curiosité, ce livre, ce titre. Et Dr. Jaron est géobiologiste et géochimiste américaine, dont la carrière porte sur les connexions complexes entre les plantes, les sols et leurs environnements. Mais bien que son mémoire traite de science dans une certaine mesure, bien sûr, on suit plutôt le parcours de cette chercheure qui a bâti une carrière scientifique, ma foi, phénoménale, à partir d'une passion vive, mais vraiment très peu de moyens. Dr. Jaron a débuté des études et une carrière professorale, en fait, dans des conditions précaires. Elle a dû faire face à plusieurs défis, certains associés au fait d'être une femme en sciences. Donc, je vais vous en parler davantage dans pas très longtemps. Et toi, Valérie, c'est quoi le livre que tu nous présentes alors, aujourd'hui? Alors, moi, je vais présenter un livre qui combine la musique et la science. Ça s'intitule « La musique qui défie la science ». C'est paru l'automne dernier aux éditions Multimonde et c'est écrit par Michel Rochon. Alors, pour ceux qui écoutaient Découverte il y a quelques années, peut-être se souviennent-ils que Michel Rochon était journaliste scientifique à cette émission. Et puis, il est aussi pianiste, donc à la fois journaliste scientifique et musicien. Et c'est son deuxième livre, en fait, sur la musique. Alors, a priori, la musique, c'est un sujet plus culturel que scientifique, mais je ne me doutais pas qu'il puisse y avoir des angles scientifiques à la musique. Et j'étais curieuse de lire comment Michel Rochon allait combiner la science et la musique. La musique qui définit la science de Michel Rochon. Le titre a quelque chose d'intriguant, là. En quoi la musique défie la science? Oui, c'est effectivement, et je me suis posé la question un peu tout le long que je lisais le livre. Donc la réponse arrive un petit peu au fur et à mesure qu'on lit les chapitres, et c'est explicité à la fin du livre. Donc au fil des chapitres, on découvre comment l'étude de divers phénomènes qui entourent la musique nous apporte des connaissances sur le fonctionnement du cerveau, sur nos comportements, sur l'expérience humaine en général. Donc, la musique défie la science en apportant des nouvelles connaissances que finalement, on n'aurait pas forcément trouvées, on n'aurait pas dénichées sans s'intéresser de près à la musique de façon scientifique. C'est dans ce sens-là. OK, c'est curieux, mais, ouais. Mais c'est quoi par exemple? En fait, il n'y a qu'à lire la table des matières et les titres des chapitres pour en avoir une idée. Donc, c'est assez éclaté finalement, comme tous les sujets qui sont abordés. Donc, il est question par exemple de la première musique, celle qu'on a entendue dans le ventre de notre maman. Okay. Ouais, qu'est-ce qu'on a entendu dans... C'est effectivement. Donc, il est question aussi de la voix humaine, comment nos cordes vocales fonctionnent, comment le cerveau travaille quand on chante. Donc, c'est des questions que finalement, on se pose parce qu'on étudie la musique et on découvre, on acquiert des connaissances qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement acquises si on ne s'était pas intéressé de près à la musique. Donc, c'est dans ce sens-là que ça défie la science. Donc, ce chapitre aussi parle du ver d'oreille. on en a tous un défaut des vers d'oreille, puis c'est tenace. Hein? Ouais. Donc, il y a une petite explication sur le les hypothèses sur le ver d'oreille. Ça parle des enfants prodiges avec des expériences avec les jumeaux. Il y a un autre chapitre qui traite de la folie et de la folie et la musique, un autre de la musique et les drogues, un autre de la musique et spiritualité, aussi de la musique et la guerre. Donc plein de connaissances qui nous arrivent en étudiant la science qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement découvert. Le livre aussi a déconstruit certains mythes, comme celui disant que la créativité loge dans le cerveau droit, dans l'hémisphère droit. Donc on apprend en lisant le livre finalement qu'il y a plusieurs sièges de la créativité dans le cerveau, que c'est pas confiné dans l'hémisphère droit. Puis quant aux enfants prodiges, c'est pas une question de quotient intellectuel, c'est plutôt la motivation à pratiquer de façon assidue, et cette motivation viendrait du plaisir exacerbé que ces enfants prodiges ont à jouer de la musique, et ce plaisir exacerbé, il serait induit par la dopamine. Donc c'est pas parce qu'ils ont un super quotient intellectuel, c'est peut-être parce qu'il y a un effet de la dopamine qui est exacerbé chez eux, puis qu'ils ont un plaisir intense à jouer, donc ils pratiquent. Donc c'est vraiment des sujets très diversifiés. Et puis Michel Rochon est un journaliste scientifique, donc il se documente. Il appuie tout ce qu'il écrit sur des études scientifiques, et en tant que journaliste scientifique, c'est aussi un bon vulgarisateur. Donc c'est assez facile à lire. Ah, super intéressant, c'est fou. C'est découverte par rapport aux enfants prodiges, ça brise des mythes. Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ce livre, Valérie? J'étais vraiment très intéressée par le premier chapitre, qui est la première musique, celle qu'on entend dans l'utérus. Donc ça, ce sont tous les bruits internes de la mère. Donc la respiration, les gargouillis de la digestion, les battements du cœur, et évidemment la voix de la mère. Et tout ça, ça doit faire un concert, je m'imaginais. Parce qu'évidemment, je m'en souviens pas. Je sais pas vous, mais moi, je me souviens pas. Donc ça doit faire tout un concert assez glougloutant. Et puis, cette musique donne un avantage. Cette musique qu'on entend aussi, cette première musique, donne un avantage à ce qu'on appelle la méthode kangourou pour porter les nourrissons sur le ventre, surtout pour les prématurés, parce qu'avec cette méthode, en plus de profiter de la chaleur maternelle, ils ont l'oreille collée sur le cœur et continuent d'entendre les battements du cœur de la mère comme s'ils étaient encore dans l'utérus. Il y a aussi un autre chapitre qui m'a vraiment beaucoup intéressée, c'est le chapitre sur la spiritualité et la musique. Donc dans ce chapitre, Michel Rochon parle du chamanisme avec les tambours et les hochets, qui donne un rythme répétitif, et finalement tout le monde se met à danser au diapason et puis éventuellement à chanter peut-être, et l'effet est accentué par l'usage des drogues psychédéliques. Il y a des réactions métaboliques associées à cet état, avec une augmentation d'endorphines, de sérotonine et d'autres hormones. Et finalement, on retrouve des conditions d'ambiance similaires dans les rêves parties, avec la musique, la drogue, la danse et les mêmes réactions métaboliques. Donc tout ce chapitre-là m'a aussi bien intéressé. Je me dis, Mais c'est intéressant aussi, il parle dans le fond... de spiritualité, mais toujours d'un point de vue scientifique. Exactement. Là. Donc, musique et de science et de spiritualité. Oui, puis il y a aussi tout le chapitre sur la musique et la guerre, donc le rôle de la musique pour entraîner les gens dans la guerre, la musique et la COVID. On se souvient, au tout début de la COVID, que les gens jouaient de la musique pour un petit peu soulager l'ambiance générale dans la population. Ouais. Mais c'est des choses qui avaient déjà été observées jadis en Italie, à Milan, quand il y avait eu une épidémie. Les gens s'étaient aussi mis à leur balcon pour chanter. Donc il y a des phénomènes qui sont répétitifs. Donc j'ai trouvé tout ça fort intéressant. Waouh, c'est vraiment intéressant. Ça donne le goût de lire le livre. Je suis vraiment curieuse de les premières musiques. Comment les gens étudient les premières musiques? Il y a aussi un petit peu d'histoire de la musique, avec les premières musiques, les premières flûtes, les premières les premiers chants. Il y a toute une musique aussi sur le chant choral. C'est vraiment il y a vraiment énormément d'informations dans ce livre. Je pense que nos trois livres ont peut-être ça en commun. Je pense qu'ils ont comme beaucoup d'informations. d'informations, puis ça tire un peu dans tous les sens. Oui, tout à fait. Ben merci beaucoup, Valérie. C'est très intéressant d'en apprendre sur ce livre de Michel Rochon.